Tiens, je ne pensais plus à cette pauvre veuve, dit-elle. Mon mari, l'autre jour, la trouva malade et seule. Il faut voir comment elle va. Elle frappe à la porte, elle écoute. Personne ne répond. Et Jeannie, au vent de mer, frissonne. Malade. Et ses enfants, comme c'est mal nourri. Elle n'en a que deux, mais elle est sans mari. Puis, elle frappe encore. Hé, voisine ! Elle appelle. Et la maison se tait toujours. Ah, Dieu, dit-elle, comme elle dort, qu'il faut l'appeler si longtemps. La porte, cette fois, comme si par instant les objets étaient pris d'une pitié suprême, morne, tourna dans l'ombre et s'ouvrit d'elle-même.